moins qu'on se ravise. En ce cas, oui. Ou plutôt non. Peut-être que derrière les angles cornus qui nous défrichent le cœur, nous pourrions reprendre le filet qui nous tissait un avenir heureux. Peut-être aussi qu'un jour, ce jour, renaîtra nos symboles uniques qui nous correspondent simultanément. Peut-être aussi que le temps nous arrivera en pleine gueule. Peut-être, peut-être pas. La vie nous ramène toujours ces vagues heureuses. Le jour, le soir, la nuit, au petit matin, sans prix, sans recréer le petit déjeuner. Le croissant ne cherche plus à se beurrer lui-même. Le café ne veut plus touiller. Et le sucre cherche à pénétrer dans cette eau brunâtre, caféinée. La chaleur de la maison, en ce mois de janvier, n'est plus aussi heureuse. La liaison est bonne, non? J'ai pas vérifié. Ou heureux, hein. Parce que quand je vais l'écouter, on continue. Sans souffrir, le jour regardera par sa fenêtre afin de nous retrouver ensemble heureux devant cette armature amoureuse. On voit que c'est de l'improvisation, hein. Mais soudainement, le soir nous léchera l'apparition soudaine d'un amour à venir. Peut-être. Peut-être que petit à petit, les oiseaux nous feront un nid d'amour. Voici le chant des étoiles. Car nous sommes nous-mêmes les étoiles. Car nous sommes des oiseaux faits de feu. Passons une route pour notre âme. Car trois d'entre nous sont des chasseurs. Et ces trois-là chassent l'ours. Nous dévisageons les montagnes avec dédain. For we face the hills. With disdain. For we face the hills. With disdain. liberté devant nous, nous marchons. La beauté derrière nous, nous marchons. La beauté au-dessus de nous, nous marchons. La beauté tout autour de nous, nous marchons. Car trois d'entre nous sont des chasseurs. Et ces trois-là chassent l'ours. Nous dévisageons les montagnes. Avec dédain. For we face the hills. With disdain. For we face the hills. With disdain. For we face the hills. With disdain, for we face the hills. With disdain, for we face the hills. Ça va, mes amis, aujourd'hui, en ce beau mois de janvier 2023. Heureux d'être avec vous. Je vous le jure, je ne mens pas. Je ne suis pas un politicien. Quoique, je ne veux pas dire que tous les politiciens mentent. Au contraire, j'en connais plein qui sont très droits, comme un cierge de Pâques, et qui ne balbutient pas. Non, jamais. Et puis donc, comment s'est passée votre semaine? 16 janvier. 16 jours. Dans ce 2023. Je vais vous raconter quelque chose qui me touche incroyablement. Vers la deuxième semaine du mois de décembre. Hein? Même un petit peu avant, là. Le 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, complémentaire 24, avant Noël, à partir de 8, 9 décembre, moi, je travaille avec la clientèle et vous le savez, et il y a des gens qui me sont arrivés, j'ai jamais entendu ça depuis que je travaille avec le public, tellement de morts, mais pas de morts, une tante, une cousine, quoique c'est douloureux, mais le partenaire amoureux est décédé quelques semaines avant Noël. Et je travaille quelquefois à la caisse, assez souvent. J'aime bien ça, la communication directe. Et il y a une dame, j'ai dit, ça va bien? Elle me dit, oh. Je dis, OK, j'irai pas plus loin. Elle me regarde, une dame d'à peu près 75 ans. Elle me regarde et elle me dit, mon mari est décédé. J'ai dit, mes sympathies, je vais pas trop loin. Et j'ai osé dire, est-ce que ça fait longtemps? Elle me dit, non, 3 jours. J'ai dit, mes sympathies, encore une fois, mes sympathies. J'ai dit, j'ai encore creusé. Il est mort de quoi? D'un cancer. Je lui ai mentionné, je suis tout à fait avec vous dans cette douleur. Et j'ai vu une larme couler de ses yeux. Malheureusement ou heureusement, je suis un gars très émotif. J'allais dire trop mais très, très émotif. Trop, je sais pas, je crois pas. On l'est jamais trop. Devant un film, devant une musique, une chanson qui vient me chercher. Ouais, je peux être ému et je racontais une histoire à un repas il y a au mois de novembre l'année dernière. Sonia Pelvic, une amie à moi, une artiste incroyable, actrice, comédienne, réalisatrice, écrivaine, journaliste, tout ce qui est artistique, c'est elle. Et je la connais depuis Belle Lurette et j'aime bien le Belle Lurette. Je peux pas lâcher Belle Lurette. Moi, il y a pas une émission où je peux pas prononcer Belle Lurette. Oui. Puis j'en fais toujours un cas, mais je la connais depuis longtemps. Et puis, à chaque fois, ben, elle se raconte davantage. On approfondit, on va plus loin. Sans forcer, c'est l'automatisme, hein? C'est l'habitude de se revoir et de faire un peu une rétrospective de sa vie à mon micro. Et ça donne des émissions extraordinaires. Elle sera à mon émission, là, je sais pas quand. Il faudrait que je vérifie. Voulez-vous que je prenne le temps de vérifier? Bon, Sonia Pelvic. Bon, attendez un petit peu. Puis vous autres, les enfants, la petite dernière. Mais je veux juste en venir à ça, là. Sonia Pelvic. Attendez un peu. Sonia. Voyons donc, oui. Sonia, où es-tu? Ah, le 19 et le 26 juin. Son père est décédé d'Alzheimer, ma mère aussi, mais moi c'est triple démence et l'Alzheimer. Ma mère ne faisait rien d'approximatif, hein, c'était 100%. Et au début, là, il y a 7-8 ans, elle voulait avoir des enfants, mais là, elle embrasse bientôt la quarantaine, elle est belle, belle, sublime, incroyable. C'est ma Sophie Barceau à moi. Et elle n'envisage presque plus d'être mère. Et on a parlé beaucoup de deuil, mais c'est pas une émission... Puis quand j'en parlais à un repas, j'étais très émotif, c'est fou. Puis je trouvais ça épouvantable que bon, je radoterais pas. Et sinon, comme vous, comment ça va? Je peux arrêter ça. Moi, là, je peux arrêter sur un 10 cents. Un 45 cents, j'aimerais bien, mais ça n'existe pas. Qui pourrait inventer un 45 cents aujourd'hui en 2023? Qui peut inventer un 45 cents? Pas n'importe quel, là, les gens vont dire, ben, c'est pas compliqué, hein, tu fais une petite rondelle, puis ouais. Non. Qui soit monnayable. Qui a une valeur mondiale. Moi, j'aimerais que ce soit un 45 cents québécois. Parce qu'il faut commencer à faire notre argent, nous autres, là. Hey, les 5 piastres, moi, René Lévesque. Les 6 piastres, René Lévesque. Les 7 piastres, René Lévesque. Les 100 piastres, Pierre Bourgault. C'est pour faire chier René Lévesque. Je l'adore, René Lévesque. C'est mon préféré. Quoi que Pierre Bourgault, tout ce monde-là. Mais juste parce que, tu sais, dans l'aérienne, ils étaient ensemble à un moment donné, puis, tu sais, pas dans l'aérienne, mais ils voulaient communiquer, puis faire un groupe ensemble. Mais, tu sais, Pierre Bourgault pompait René Lévesque, puis René Lévesque pompait Pierre Bourgault, puis c'est merveilleux, ça peut être une locomotive. Mais quand il y a deux forces majeures, ça doit se trancher en deux, puis un fait son truc, l'autre fait son affaire, puis... Moi, ce que j'ai trouvé pointable là, dans l'histoire de René Lévesque, là, c'est que il était au pouvoir, puis on l'a comme éteindu comme une cigarette, puis il va aimer ça. Les cigarettes, il fumait, il pompait, lui. Gainsbourg puis René Lévesque dans une salle, là. Au bingo. OK, moi, je place là mon ami René puis mon ami Serge qui joue dans un sous-sol d'église à Québec. Et là, on peut pas dire, on appelle ça un caller. Excusez-moi pour l'anglais, mais c'est un caller de bingo, tu sais. B2! G! 40! Ça se peut-tu, G40? Mais B40, ça se peut pas. Non. Ça, c'est de l'intelligence, Madame Chose. Ah, Madame Patente, c'est de l'intelligence. Parce que Madame Chose et Madame Patente se connaissent pas trop. Comme Pierre Bourgault et René Lévesque, hein, c'est comme deux sources naturelles de vivacité. Mettez deux aimants contraires pour s'épouser, essayer de se coller. Ils veulent pas! ils se connaissent trop. J'allais dire dictatorial. Non, ils sont... Quand t'es de tête, deux personnes de tête, c'est bien difficile de forger quelque chose d'assembleur. Pourquoi? Ben parce qu'il y en a un qui va avoir une idée, l'autre un peu divergente, puis qui va céder entre les deux, ça peut pas. Il y a personne qui va céder, c'est des têtes fortes. Des têtes fortes. Bon. Moi, mon ancienne femme, c'est une tête folle. Non, je veux pas dénigrer ma Gaétane Brisebois. C'est une tête folle, elle m'a dit pourquoi. Moi, j'ai pas peur de te... Elle dit à tout le monde, moi. Elle dit que je suis un paresseux. Ben oui. Je dis tout le temps non. Veux-tu sortir les enfants? Non. Veux-tu sortir le poisson rouge? Oui. Elle dit, veux-tu le faire mourir? Je dis, pourquoi pas, on va le manger. On n'a pas de maudite tienne. Avec du citron pressé. Elle dit, on n'a pas de citron pressé. Mais moi, de pressé, bon, on va aller acheter du citron, nous autres. Nous autres qui? Mais moi, puis petit ukulélé, on s'est acheté un chat, on l'a appelé ukulélé. Ah, mon, il y a là la couleur du ukulélé. Quelle couleur un you, Saint-Lopez, you, Saint-Lopez. Quelle couleur un you? Un voyou ukulélé? Ben voyons donc, c'est beige, gris, noir, là, c'est trois couleurs. Beige, on peut aussi... Non, mais pour pas se tromper, on dit une couleur coquillage. Bon. Mais dans un coquillage, il peut aussi avoir du gris, du beige. Mais moi, c'est gris, noir et beige. C'est beau, le beige. Le beige, on dirait qu'ils ont manqué de couleur pour faire quelque chose de plus foncé. C'est effronté de faire le foncé, trop foncé, parce que sinon ça devient noir. Puis on veut juste embrasser le noir. On aime ça embrasser, mais on veut juste embrasser le noir sans que ce soit du noir. Là, c'est gris. Bon, OK. Tu sais, comme la petite chanson, là, des enfants, qu'on chante encore aujourd'hui pour s'endormir, pas des moutons, mais c'est... Non, c'est la poule. C'est la poulette... C'est la poulette grise qui a pondu dans l'église. Il n'y en a plus d'église. Les églises sont devenues... un fantôme. Parce que, hey, à une certaine époque, là, tu rentrais dans une église, tu pouvais rentrer. Mais s'il n'y a pas de messe, s'il n'y a rien, tu peux même pas ouvrir la porte pour aller te recueillir. Tu sais, il t'est arrivé quelque chose, je sais pas. Ta blonde t'a annoncé qu'elle allait avoir un bébé. C'est émouvant, ça. C'est très émouvant. Ça fait 20 ans qu'elle essaie d'en avoir. Bon, les gens disent, 20 ans, elle doit être assez âgée, hey! Une femme n'est jamais assez âgée. Une femme a de l'expérience. OK? Un gars peut devenir pépère. Qu'est-ce qu'un pépère? C'est un vieux bonhomme qui relate. Regarde l'autre Harry. L'autre Harry. Ah ouais, la fuck. Rotary. Elle, la Rotary. On l'a compris. Pas sûr, moi. Combien de personnes l'a saisi, cette blague incroyable? Mais heureusement qu'on n'a pas de rire en canne. Non, moi, j'ai des rires en bouteille. J'ai des rires synthétiques. Ben là, tu vas me dire en canne synthétique, ça ressemble un peu. Mais j'ai des rires. Mais des rires d'enfants qui rient parce qu'ils aiment bien rire, puis le rire enchaîne le rire. Dans une salle, tu mets les rieuses. Tu sais, à un moment donné, en Égypte, moi, je te l'ai dit depuis longtemps, toi, là. En Égypte, hein, il y a les pleureuses. Puis même en Afrique, je l'ai appris récemment, là, parce que j'ai une Africaine dans ma vie. Non, c'est pas vie amoureuse, là, mais c'est ma vie quotidienne. Et elle m'a dit qu'il y avait des pleureuses aussi en Afrique. Bon, encore aujourd'hui, mais en Égypte, pas certain. Fait qu'elle, elle me dit le goût du jour, le parfum de son pays. Elle restait où? Parce que là, elle est à Québec actuellement. Puis là, j'essaie de la déprogrammer, là, tu sais. Arrête de dire que t'es canadienne, tu parles français, OK? T'es une Québécoise. J'en parle souvent aussi, je sais, juste avec les années. Madame, mademoiselle, mes yeux, saviez-vous que même en 2023, on ramasse le même thème, mais en essayant de trouver des sentiers différents? danse. Qui se danse? On danse. Connaissez-vous les danses anglaises? Ce sont des danses qui se dansent d'un angle droit. Il faut être trois. On met la musique. On danse. Madeleine passe sa main droite sous son coude gauche, se cache un côté du visage avec sa main gauche. Madeleine passe sa main gauche sous son coude droit, se cache l'autre côté du visage avec sa main droite. Retire sa main droite de son coude gauche. Retire sa main gauche de son coude droit. Se cache le visage avec ses mains. Avec la main droite, car l'autre s'est égaré. Avec la main gauche, car l'autre s'est effacé. Madeleine cache. Madeleine. Connaissez-vous les danses anglaises? Non. Madeleine passe sa main droite sous son coude gauche. Ce sont des danses qui se dansent. Sans main ni visage. Bras dessus. Bras dessous. Madeleine cache. Madeleine. On danse. Madeleine passe sa main droite sous son coude gauche, se cache un côté du visage avec sa main gauche. Un appartement avec vue sur le parc. On met la musique. Sans main ni visage. On danse. Bras dessus. Bras dessous. Madeleine cache. Madeleine. On danse. Sans main ni visage. Bras dessus. Bras dessous. Madeleine. On danse. Cache. Avez-vous autant de plaisir que moi à écouter ces chansons extraordinaire, c'est, parce que là je cherche le mot, un triangle, c'est la trilogie, et mon Dieu, hey, triangle, trilogie, t'es fort toi, moi je suis aussi fort qu'un pois vert, mais essayez d'enlever deux là, ah mon Dieu, faut pas juste les lever, faut les élever avant de les lever, élever un pois vert, comment ça se fait? Déjà là, faut le respecter. Le respect dans tout univers, que ce soit la Terre, que ce soit le ciel. Le ciel, mais là, il y a des planètes, il y a des planètes. La grande ours et la petite ours. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça, moi, la grande ours et la petite ours. Puis la princesse. Avez-vous déjà vu l'étoile, la princesse? Ah, mon doux Seigneur! Quand tu as des longues vues, mais là, des longues, longues vues, il faut que ce soit tellement long que tu puisses parvenir à voir ses cheveux qu'elle brosse continuellement. Soir comme soir, nuit comme nuit, jour comme jour. Je me demande comment ça qu'il reste encore du poil sa caboche, lui. Elle, excuse-moi. Elle. Non, c'est pas un transsexuel, c'est pas une bisexuelle, c'est ben peut-être, je sais pas. Je la vois dans le ciel. Mais j'ai acheté un escoscope, un box. Oui, deux. Non, c'est pas deux box. Rempli à, ouais, ben, à ratio de bonne bière, mais non, c'est escoscope. La scope, la scope, la scope, la stroupe, la stipe, la stroupe, la stroupe. Quand on venant de l'IO, ah, non, c'est quoi, là? Un stéthoscope. Mais non, c'est planétaire, c'est, voyons, pouvoir. Des longues vues, des jumelles. Des jumelles, Dionne ou pas Dionne, ça dépend. Moi, pauvres jumelles Dionne, ils ont tellement eu des problèmes. Au niveau médiatique, elle voulait pas. Elle voulait pas aller aussi loin. Elle ne voulait pas être comme Dubois. Claude Dubois, pas Dubois. Le bois brûle, mais Claude Dubois reste encore, heureusement. Tu sais, être un artiste. Elle voulait même pas être des artistes. Elle voulait être des filles bien ordinaires. Il me voit venir. Regarde-moi ça, Raymond, il me voit venir, là. Il dit, il va rien faire. C'est ça. Excite-toi pas de même, toi. T'as encore 11 mois à vivre, là. Avant 2023. Parce qu'il m'a raconté que sa belle-mère, mais tu sais, j'ai dit, c'est ta belle-mère. Est-ce que je peux essuyer le micro si ça ne me dérange pas? Parce que j'ai pas mis de coussin, malheureusement. Puis là, ça fait. Mais c'est pas grave, hein? On est à Errance canadienne. Puis j'en profite parce que là, j'ai une barbe, hein, de plus en plus prononcée. Comme vous voyez sur les photos là, de mes rencontres actuelles. Puis là, ben, je sais pas s'il m'a coupé ça, m'a laissé ça de même. T'sais, ma vie est remplie de quiproquos, hein, et puis de questionnements. Ah, mon Dieu, je vous plains pas d'être moi. Mais, ah, mon, j'aimerais pas ça, mais j'aimerais ça être vous autres. Moi, je serais très curieux là, d'être une demi-heure dans chacune des têtes qui m'écoutent. Fait que je serais dans la mienne tout le temps. Mais non! Il y a du monde qui m'écoute. OK. Ils m'ont dit des annoncer. Bon, on va vous dénoncer. On vous annonce et on vous dénonce. On n'a pas peur de faire ça, nous autres. Au pire, on passera devant le juge. On ira en prison pour avoir divulgué les gens qui nous écoutent. On n'a pas peur. C'est des gens curieux, intéressants, des travailleurs de nuit, des gens qui arrivent pas à dormir, des couches-tard. Il n'y a pas juste Roger Beaulieu puis l'autre. Je peux pas. Roger Beaulieu puis c'est qui l'autre? Je peux pas. Jacques Normand. Et puis, il y a du monde qui, aujourd'hui, devant leur voiture, à cette heure-là, essaie de s'étoniser. Ils arrivent à Québec. Ils arrivent de je sais pas où, là. Puis avant ça, c'était pas pire, là. Ils écoutaient de la musique de Johnny Cash. Non, mais la prochaine chanson, ça sera pas Johnny Cash, OK. J'ai juste à vous le dire. Mais ça risque d'être la musique aussi intrigante et introspective que je diffuse depuis le début de l'émission et aussi la semaine dernière. Vous aimeriez savoir c'est qui c'est Rob, OK? Attention, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Rodolphe Berger ou Rodolphe Bergère. C'est celui qui était membre d'un groupe extraordinaire qui n'est plus aujourd'hui. Tu sais, ça, c'est comme si Pierre Flynn puis Octobre, hein, c'est le même, ça. Pierre Flynn puis Octobre, là. Pierre Flynn, c'était le leader, puis Octobre, c'était le groupe. Comprenez-vous ce qu'il y a? Oui, on y va lentement, OK? Non, mais c'est parce qu'il est tard, puis il y a des gens qui dorment pas très bien, puis donc, ils sont embrouillés. Bon. Donc, ce gars-là, hein, on change pas, c'est mon ami Burgess, fait partie d'un groupe qui s'appelle Kat Onoma, qui est un groupe progressif. Et puis ensuite, il a fait des albums solo. OK. Bon, vous voulez savoir à quel moment qu'il était dans le groupe Kat Onoma. Kat, là, comme une barre de chocolat, là. K-O-T-R-A-T-U-B-N-B-D-O-B. Pardon, c'est pas du français, ça me dérange pas. Ici, c'est universel. Mais on n'a pas de traducteur. Surtout pas de traductrice parce que c'est difficile à trouver, hein. Pas les traductrices, mais les deux. Donc, c'est K-A-T, espace, O-N-O-M-A. Kat Onoma. ils ont fait des albums de 1988 jusqu'à 2004. Et en solo, mon ami, c'est qui, mon ami? C'est Rodolphe Berger. Rodolphe, R-O-D-O-L-P-H-E, espace B-U-R-G-E-R. C'est assez précis. Lui, il a fait des albums de solo de 1993 jusqu'en 2020. Le dernier disque, c'est Environ. Ouais, c'est pas Environ 2020, là, c'est 2020, mais il a appelé ça Environ. C'est bien ça, je vois rien, moi. Là. Environ 2020. Il est pas si précis, il dit, bon, parce que, non, je l'ai à l'oreille. Oui, à l'oreille et au cœur, surtout au cœur. C'est comme au cœur et au corps. Non, c'est pas Laurent Voulzy. Non, non, madame, c'est juste une analogie que j'ai voulu. Et il a participé aussi à plein de choses avec plein d'artistes. Françoise Hardy, dans l'album Le Danger en 96. Est-ce que vous vous souvenez de sublime album? Toujours avec Françoise Hardy, Clair Obscur, avec Bachung, ah ben oui, Fantaisie Militaire, c'est lui à la guitare, c'est incroyable. 99, c'est Liberté de Circulation avec le collectif G-I-S-T-I, que je diffuserai prochainement, j'allais dire récemment. Ah! Et 2001, Xavier Bouzy, que je connais pas, je vais vous dire, frère. 2013, Joanne, ce qui est intéressant dans Joanne Bébard, c'est qu'elle est actrice et chanteuse. C'est merveilleux. Il a collaboré aussi avec Jacques Higelin en 2006, on va arrêter après ça, là, dans Amor Dolores. Et puis, en 2006 aussi avec Françoise Hardy, il l'adore, puis il s'adore, c'est parenthèse. Et 2009, Ben Sidran, oui, dans Dylan Différent, c'est très intéressant comme album. On le diffusera à CKRL en 2023. Et Jacques Higelin, 2010. Coup de foudre. Get kicked out for coming home at all. Mom and poursuis mon kiki. It starts much, much too early for me. I don't care about reading, writing, arithmetic, or history. I'm gonna walk to the corner and meet my little Marie. I'm gonna walk to the corner and meet my little Marie. Well, she's the only girl in this whole world who understands me. Well, she's sexy and 17. My. Johnny and Eddie and me and Jimmy and Jack are going to do a little number on the teacher when she turns her back. We're gonna cut out a class, meet the girls by the railroad track. Well, every Friday night is a band that you gotta hear. Just $1 to get in and 25 cents a beer. They play rock and roll music like it hasn't been rocked in years. Well, she's 16, 17, my little rock and roll queen. That's a little bit of steam. Gotta let off a little steam. Dig that sound and shake it around your mind, mind. Still up out of my seat. Come on, baby, jump around your feet. Can't learn nothing in school, they don't teach you on the street. Whoa, whoa, whoa, baby, I like your style. Whoa, whoa, whoa, baby, I like your style. You don't care what the other kids say, you go real wild. Well, you're sexy and 17. Suzy, Suzy, Suzy, Suzy. En faisant mes boîtes, parce que tu sais que je m'en vais habiter chez toi, hein, on va vivre un amour éternel. Et... comment ça tu le sais pas? Comment ça je vais te l'apprendre? Voyons donc. En tout cas, peu importe, j'arrive dans 2 semaines. Et puis j'ai trouvé une boîte, c'est à ça que je veux en venir. Bon, notre amour ne sera pas différent. Oui, oui. Comment ça je n'irai pas chez toi? Comment ça, t'as pas de place? Hey, attention, on va parler de ça tout à l'heure, OK? Et j'ai trouvé une belle boîte. Vous entendez? Là-dedans, il y a plein d'improvisations. J'ai dit, hey, dans mes vieilles affaires. Fait que pour me faire plaisir, pour vous faire plaisir, j'espère, je vais choisir au hasard, j'espère que... ouais, arrête le j'espère. Bon. Alors, je choisis... Je vais vous faire entendre, là. J'en prends un. J'essaie de l'ouvrir avec une main parce que l'autre, j'ai le micro. OK, je vais prendre les deux. Mais je vais tricher. Je vous le dis au moins que je triche. Et... ah, ouais, ouais. Ça. Ah, mon Dieu, OK, c'est écrit à la machine. C'est... OK, le titre, c'est... Il est flambant neuf. OK, flambant neuf. Il est flambant neuf. On y va avec un professeur. Moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai plein d'inspiration. Il est flambant neuf. Par type. OK, êtes-vous prêts? Oui? Restez calme, hein? D'accord? pas, parce que quand je veux dire c'est parti, mais restez là. Partez pas, là, c'est juste une manière de dire « on y va ». Ouais, hey, j'ai regardé, tu sais, la petite revue, là, qu'on a reçue. Regardez et achetez. Mais surtout, regardez, commandez, puis il n'y en a plus. Bon, mais c'est ça. Ben oui. Là, j'ai voulu, ouais, avoir un écureuil. Ils m'ont dit, il est flambant neuf. J'ai dit, comment je peux savoir? Comment vous pouvez savoir qu'il est flambant neuf, ce petit écureuil-là? Il dit, hey, voyons donc. Il nous regarde avec ses dents. Ses dents, ça n'a jamais été utilisé. Ben, il dit, ah non, ça n'a jamais rongé. Ça n'a pas rongé. Oui, la seule chose que ça s'est rongé, c'est, tu sais, le petit papier, là, quand on vous l'envoie. Mais voyons donc, oui, est-il en santé? Est-ce qu'il est en santé? Ah, il bouge partout, la petite queue frémousse. Il te regarde avec un sourire. Et c'est flambant neuf, cette affaire-là. C'est pas une affaire, c'est un petit écureuil. Comment ça, vous dites, êtes-vous une entreprise sérieuse? Plus sérieux que ça, mon cher monsieur, là, on s'appelle pas entreprise. Ah, mon Dieu. Ma question qui me taraude, là, j'ai un blanc. Êtes-vous, elle était bonne, faudrait que je réécoute. Raymond, peux-tu repasser le petit bout de 30 secondes avant que j'aie eu un blanc? Non? Bon, OK. Fait que là, vous me dites que c'est flambant neuf. Bon, et ça, est-ce que l'animal vient dans... Bon, je l'appelle l'animal parce qu'il n'y a pas encore de nom. Quand il nous arrivera, hein, on sera en pamoison. Ah! Gilbert! On va l'appeler Gilbert. Je sais pas, je dis ça comme ça, là, bon. Et, ouais, votre flambant neuf, là, la cage, elle est-elle autant? La cage, mon cher monsieur, la cage, là, a été utilisée juste 2 secondes. Et voyons donc. Par qui? Non, par le prêtre qui a béni cette cage. Ah, mon Dieu, ça a été béni pour que le titureuil vive heureux, dans une famille heureuse et qu'il soit pas pris dans une prison animalière. Mais voyons donc, oui, prison animalière. Vous me prenez pour un bourreau? Mais non, on souhaitait, c'est des souhaits. On savait même pas que vous alliez appeler. Là. On est bien heureux de votre présence auditive. Et puis on vous dit que hey, ces titureuils-là, là, je vous entends depuis le début, là, ça vous ressemble. Vous êtes 100%. Ça va être votre âme sœur. Puis ben, adore, c'est pas ça que je veux, moi, là. Je veux une compagnie. Ah. Qui me regarde manger, je parle un peu, je flatte la bédaine. Puis là, tu sais, il m'arrête de même. Tu sais, j'ai bien d'autres choses flambant neuf, là. Flambant neuf. J'ai des chats. J'ai des chiens. J'ai des poissons. Elle dit, non, là, pas un écureuil. Moi, sans écureuil, là, c'est ma raison de vivre. Tu commences ça? Mais il me semble que... Avance-toi, là, toi. Avance-toi. Il me semble que, bon... Je sais pas de même, là, c'est des vibrations. Moi, je vis sa vibration, tu sais, depuis le début de ma vie jusqu'à maintenant. Je crois que, sincèrement, j'étais un titureuil il y a 2-3 vies. Ouais, mais voyons donc, vous êtes bizarre, vous. Bizarre. Moi, là, je fais comme les titureuils. Je regarde un arbre, là, puis j'ai le goût de monter dedans, de me faire une maison, puis, tu sais, c'est pas juste mon enfance. Mon enfance, je voulais pas avoir une cabane en haut d'un arbre. Pas une cabane que je voulais, moi. C'est me faire une maison dans l'arbre. Tu sais, faire un trou. Puis là, j'ai essayé de me trouver une amie pigboise, là, tu sais, la pigboise, la grivoise pigboise. J'ai dit, ah, man, je suis pas assez coiffée. Mon bec est pas assez pointu. Hey, ta mission, là, c'est de puis de me faire un trou. Avec le reste, je m'en occupe. Moi, j'ai une formation en moi, les arbres, je gosse ça. Puis au pire, j'ai un beau-frère qui aime ça, les arbres. Il va me faire n'importe quoi avec ça. Le bois, lui, là, ah mon Dieu. Il dort avec des planches de bois, puis des vis, il embrasse les vis, puis C'est même un peu gênant là, d'aller dans la vie privée hein, des passionnés. Mais moi, là, voici Tureuil. Pouvez-vous m'envoyer au moins une petite vidéo de cette aide que j'aimerais avoir? Puis surtout, me faire à l'idée, est-il véritablement flambant neuf? Oh, il a parlé. Non, c'est pas ça, c'est que ça n'a pas enchaîné, ça fait... La musique est partie, mais pas longtemps. Puis mon petit œil, va-t-il vivre aussi longtemps que la petite musique? Ben voyons donc, pensez-vous qu'on est qu'on abuse du public? On vous dit qu'il est flambant neuf, il va vivre jusqu'à la fin de ses jours. Ouais, mais sa fin de ses jours, si je le lis, puis il meurt dans deux jours. Ah ben là, c'est vous, là. La maltraitance animalière, on n'a rien à voir là-dedans. Et vous êtes un malade, pas loin. On poursuit avant d'écouter mon ami Emmanuel Bernier, Bémer, Ramon, Manuel. Oh bonjour, c'est la musique, ah mon cher personnel. Brush my teeth, comb my hair. it's the last thing I do. Stand back, cats. We are going that Cadillac. Look at that. Look at that Cadillac. Look at that. Look at that Cadillac. Look at that. Rolling down the avenue. I'm gonna get me a Cadillac too. If it's the last thing I do, I gotta get a Cadillac. Look at that Cadillac. Look at that. Look at that Cadillac, look at that. Rock and rolling down the avenue. I'm gonna get me a Cadillac too. If it's the last thing I do. Ah, ce soir, je nous propose un groupe exceptionnel. Paper Moon, un mini-concert intime. Paper Moon composé de Pierre Fa, Iris Koslev et Paul Abirachid. Alors, bonne écoute, bon spectacle, belle rencontre avec le groupe Paper Moon. Donc, la première pièce que l'on entend, c'est... Alors, c'est le moi petit qui miroir. C'est moi qui sais. C'est le petit... Les petits miroirs. Les petits miroirs, oui. Ah, je m'étais écrit ça pour moi, Renaud. Oui, excuse-moi, et que j'avais gardé pour oui. Les souvenirs. Donc, je tiens à dire qu'il y a deux guitares et un piano. Iris à la guitare, Pierre au piano, oui. Et Paul à la guitare. Oui. C'est parfait. Trop ce que tu reflètes. Mais c'est doux, c'est tellement... La voix va tellement avec, avec la mélodie que c'est... Là, vous allez en tournée, c'est ça qui est extraordinaire. Vous partez bientôt, là. On est parti ce week-end. On revient. Ah, vous revenez. Ah, vous revenez. OK, et puis... Ouais, tu sais, partir. Ah oui, c'est ça, revenir. Ben oui, c'est Claude Lelouch. Mais, en plus, le cinéma, il connaît. Et puis, comment ça s'est passé? Alors, bien... On nous a lancé des bretzels, ce qui est très bon signe. Ok, ouais. Non, mais... est-ce que Washington était là? Bretzel. Alors, Washington? Bon, oui. Il était là, bon, d'accord. Alors, non, mais la tournée... Marc Bretzel, pas de spectacle, aussi, le chanteur d'American Music Club. Oui, ben voilà, on ne voulait pas l'oublier. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été très agréablement reçus par des gens courtois. Nous sommes passés entre une chanteuse, une gouailleuse de Belleville, pas de Montmartre, mais qui chantait Les Escaliers de la Butte, etc. Et puis derrière un comment qu'elle s'appelle? Malène. Okay. Et après, un petit rappeur qui s'appelait Axel AVP. Donc c'était une après-midi très, très variée. Oui. Et au milieu de tout ça, je pense qu'on était un petit peu... comment dire, ingénu, parce que les gens ne connaissaient pas les chansons, tu vois, on n'est pas... Mais ils ont été très attentifs. Ouais. Est-ce que tu as remarqué, Pierre, sur Elonsem, on s'est fait la réflexion avec Paul, il y avait plein de gens qui étaient venus certainement avec leurs conjoints, ouais. Et sur cette chanson, ils se sont tous mis à se câliner. Oh, tu as remarqué ou pas? Ben, pas non. Trop. Oh, tu regardais, tu étais concentré. Ah, c'est bien. Mais et comme si... C'est vrai. Et il y a eu un moment où les couples ont commencé à se toucher les mains, faire un petit câlin. Pas que un. Trois, quatre. Ah ouais. Mais ça tombe bien que tu disiez ça, parce qu'on a une proposition de concert au Sexodrome. Mais là, ça pour va mythique. Chicler. Là, ça va chicler. Ah, mais c'est très bien. Et donc, c'était... Mais c'est fou. Mais c'est vrai que la musique, c'est un peu... Ça, ben, elle n'a pas de mission, la musique, c'est de divertir, mais elle peut arriver à ça. Tout à l'heure, j'étais dans un métro bondé, pas très agréable, et j'écoutais Fun Trio dans mes oreilles, et j'avais envie de sourire. Mmh. Et si, je me dis, tous les gens qui n'écoutent pas ce que j'écoute font vraiment la gueule. Ouais, et ouais, moi, j'étais... contente, avec mon piano dans les oreilles, comme ça, dans un métro pas très agréable. Ouais. Et donc là, la musique est une vraie amie. Mais c'est vrai aussi, je parlais de ça avec une chanteuse tout à l'heure, que la musique nous accompagne partout. La musique fait partie de notre vie. La musique populaire ou la musique que l'on aime, des groupes émergents, des chanteurs, des chanteuses émergents, c'est vraiment le fil conducteur entre la réalité et la vie de tous les jours. T'sais, c'est pas comme une peinture. Une peinture, ben, si t'es pas devant l'œuvre, tu peux pas réagir. Tandis qu'une chanson, tu peux la trimballer partout. Tu peux en voiture, dans le métro, dans l'avion. Ouais, parfois dans la tête, la nuit. Oui, puis c'est ça, il y a des mélodies. Puis surtout quand t'es musicien, t'es constamment entouré de mélodies, puis quand t'as trouvé le fil conducteur, tu te lèves et tu prends des notes ou tu prends ton magnéto, mais c'est ça, c'est une chanson très très douce, et ça porte exactement à s'aimer, à se câliner, parce que c'est la mélodie est douce, la voix apporte ça aussi, c'est merveilleux. Merci, Renata. C'est merveilleux. Oui, mais peut-être que le mot est faible. Oui, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Comme disait Sol, notre clown extraordinaire. C'est vraiment, oui. Ben, puis c'est un peu ça aussi, Pepper Moon. C'est, contrairement à Pierre Fort seul. OK, Pierre Fort, tu peux, sur un album, il y a vraiment plusieurs styles. Mais Pepper Moon a comme un emballage sonore. Oui, c'est plus homogène. Oui, c'est ça, homogène, oui. Oui, ben oui, parce que alors ça tient à la fois au timbre d'Iris. C'est vrai que c'est, oui, ça compte. Ouais. Et puis aussi à ce qu'on peut dire sous la forme d'un groupe. C'est-à-dire ce qu'on peut écrire sous la forme d'un groupe, c'est pas la même chose que ce qu'on écrit quand on est... Quand on raconte sa vie, quand on... Tu vois, on est dans une c'est vrai. Des choses plus... enfin, personnel. Qui sont pas destinés, qui sont chantés par une personne, voilà, qui, ouais. En direct, quoi. Donc, c'est pas les mêmes sujets. C'est pas des fois le même choix de vocabulaire non plus, parce qu'en fonction d'une voix, on choisit des mots aussi. Ouais. Mais quand t'écris, est-ce que tu sais si tu vas écrire pour Pepper Moon ou Pierre Fa, qu'est-ce qui divise? Ça dépend, parce qu'il y a des mélodies qui appellent tout de suite à être dans le monde Pepper Moon, tu vois, pour leur côté, pour le ça dépend des qualités d'ailleurs, mais ça peut être une chanson parce qu'elle est plus pétillante, parce qu'elle est, tu vois, qu'elle appelle une voix aiguë, une voix de fille aiguë, parce que, enfin, pour différentes raisons, la musique a l'air de dire, moi j'aimerais bien être sur du côté de Pepper Moon, et à ce moment-là, je vais réfléchir au texte dans ce contexte-là. Dans cette direction-là, ouais. Ou alors la chanson arrive toute cuite, comme ça, du ciel, et puis elle dit, moi je vais sur Pepper Moon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Bon, des fois, il y a des ambiguïtés, il y a des choses qu'on peut essayer, il y a une ou deux chansons qu'on a essayé avec Iris, et puis finalement, je me suis dit, oui, c'est arrivé, mais c'est rare. Parce qu'en général, quand même, j'ai un peu la... L'oreille. Non, et puis en plus, si on les garde pas, ça veut pas dire que elles étaient pas bien chantées ou quoi, c'est juste que je me dis, non, finalement, on a mieux. On a mieux sur l'album, okay. Donc c'est un des choix de priorité, quoi. Mais ce que tu écris, puis qui se retrouve ni dans Pepper Moon, ni dans Pierre Fa, est-ce que tu peux le passer à quelqu'un que tu connais? Je peux écrire des choses spécifiquement pour d'autres gens. Mais il ne s'agit pas de fourguer à d'autres gens. Comme tu ne peux pas le classer dans ton répertoire, ni celui de Pepper Moon. Ah oui, alors c'est vrai. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que oui, par exemple, j'ai une ou deux mélodies dans mes tiroirs, là, où je me dis, ça, effectivement, ce n'est pas du registre de Pepper Moon. Moi, je ne vais pas bien la défendre. Il faut quelqu'un qui a une plus de puissance, plus de, tu vois, et... Donc j'ai des choses dans mes tiroirs qui attendent, et c'est peut-être pour ça qu'elles n'ont pas de texte d'ailleurs, qui attendent de s'incarner, de se cristalliser sur quelqu'un. Ok. Voilà. Et mais c'était un peu pareil quand on a commencé, c'est-à-dire que j'avais un certain nombre de mélodies qui se sont cristallisées autour de la voix d'Iris. On peut dire que c'est le retour de Pepper Moon parce que vous étiez un peu mis en veilleuse. Mm-hmm. Toi, t'as fait... Des enfants. J'ai fait deux enfants. Et donc, tu as laissé un peu ta carrière de côté, sans jamais l'oublier. Ben oui, j'étais très contente de revenir. Et qu'est-ce qui a fait que tout le monde s'est comme rassemblé, vous vous êtes comme réunis maintenant? Est-ce que ça tombait juste dans ta vie à toi puis dans la vie de Pierre Fa? Je crois que ça tombait. Puis dans la vie de Paul aussi, parce que vous êtes. Vous jouez ensemble. Maintenant, alors on l'a adopté en fait. Okay. C'est notre enfant. Okay. Iris et moi, on l'a adopté. Moi, je suis un peu la pièce rapportée. Oh. Rapportée, mais adoptée peut-être. Oui. Adoptée, c'est mieux. C'est mieux adoptée. Je suis la pièce adoptée. C'est ça. Oui. Oui, je pense. On a enregistré quand même ces dernières années. Ok. Le dernier concert qu'on a fait, c'était il y a 8 ans. J'étais enceinte de mon premier garçon. Oh. Enfin, de combien de mois? Bon, pas énorme, je devais être enceinte de 4 mois. Ok, ça se voyait pas encore. Ça se voyait un peu. On cache ça avec des habits. En noir. C'était un très beau concert, j'en ai un très beau souvenir et on avait fait tout un décor très joli. C'était où? C'était au Francport, à côté de chez moi, dans la forêt. Et donc on donnait sur une belle rivière, on avait mis plein de ballons gonflés à l'hélium blanc. Mais la sonorité aussi de l'eau? Un petit peu, mais c'est pas le débit, si tu veux. Okay, okay. Ça ne chantait pas énormément l'eau, c'était une eau assez calme. Voilà. Mais avec les étoiles, tout ça, Pepper Moon, ça va bien ensemble? Ouais, c'était dans la journée. Mais non, je suis désolé, mais il n'y avait qu'une seule étoile. Ah oui. Oh, c'est beau, c'est Iris. C'est beau. Oh, c'est beau, ben l'étoile, c'était l'essentiel. Ouais, c'est ça. Et c'était un très très chouette concert. Okay. Et donc depuis, on a quand même enregistré des albums. Oui, bon, ça s'est ralenti. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait 3 albums très très vite au début, parce que j'avais quand même conscience qu'on passait à l'orange. Ok. C'est-à-dire qu'on était sur des petits labels qui fatalement allait fermer. Ah bon ? Et oui. Et oui, la dématérialisation de la musique, c'est ça. Ouais. C'est que des équipes, des gens qui, à un moment donné, peuvent se payer et vivre en sortant des disques, ne peuvent plus. Donc, ils arrêtent. Voilà. Et c'est le cas. Hein, le label qu'on avait à Taïwan, il s'est arrêté. Pas à cause, hein, je vous rassure, mais après notre 3e album, il a cessé son activité. Le label qui avait sorti notre premier album au Japon, c'est pareil, En plus, ils avaient eu le tsunami, donc ils ont cessé leur activité, etc., etc. Donc, ce sont des gens qui, tu vois, qui sont sur un équilibre très fragile. Ouais. Et j'avais quand même conscience qu'il y avait un moment à saisir. Qu'il y avait un truc, à un moment où là, 2 ans après, on n'est pas sûr, quoi. Ok, oui. Voilà. Donc, j'étais un peu pressé. Et on pouvait tourner. Et finalement, c'était pas une vision stupide, puisque même sur des choses politiques qui étaient totalement imprévisibles, ce qu'on a fait à l'époque, on ne peut pas le refaire aujourd'hui. Ouais. Tourner en Chine comme on le faisait à l'époque, d'une manière assez libre, assez insouciante, déjà quand Xi Jinping est arrivé au pouvoir, c'était plus du tout la même musique. Ouais. On est parti avec Elsa, et là il fallait faire beaucoup plus de papier, et des fois il y avait la police dans la salle l'après-midi pour vérifier des choses. Si le tourneur n'avait pas bien fait les papiers, on nous disait vite vite aller dans l'autre ville, même etc. Si c'est pas français. Surtout. À la limite, si ça va être... L'asiatique comprend pas le français. Mais oui, mais donc tout est suspect. Ok. Qu'est-ce qu'on dit? Tu vois, par principe, c'est suspect. Ah oui, franchement. Puis, pour ces gens-là. Oh oui, c'est ça, non, pour non, toute non, la non. population. Ah, non, non, non, non. Mais non. Pour les gens qui sont chargés de contrôler... Mais la dictature. Mmh. Ouais. Ok. Yeah. Mais ensuite, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait que, à cet instant, là, il y a quelques mois, vous vous êtes dit, on se remet à faire de la musique? Il y a eu une demande. Il y a eu la demande de Düsseldorf, d'où on revient, qui était déjà... on nous avait demandé de venir en 2020, et ça a été annulé avec l'épidémie. C'est arrivé vraiment au même moment? Oui. Mm-hmm. Ah ouais. Donc on a été un peu déçus, et finalement, ils ont oublié. Non, ils nous ont pas oublié, ils nous ont rappelé. Puis là, pendant ce temps-là, vous avez fonctionné vous vouliez faire un autre disque. Bah, c'est-à-dire, j'avais envie de presque boucler la boucle, parce que je trouvais que j'avais encore 2-3 trucs à dire dans le contexte, dans le contrat du groupe, quoi, disons. Et que j'avais des mélodies encore qui correspondaient à ce climat-là, cette ambiance-là. Donc j'avais pas envie de les laisser de côté, tu vois, c'est une espèce de goût d'inachevé, quelque chose. Donc oui, cet album, je sais pas, là on a la matière d'un album à l'heure qu'il est enregistré, mais si jamais il y a une super mélodie qui arrive demain ou après-demain, bah il est encore temps de l'inclure. Ah ok, il est pas trop tard. Non, bah c'est pas comme si on avait un label qui nous dit maintenant c'est terminé, comme ça. Okay. Voilà, donc là j'attends d'avoir un peu un contexte aussi qui me semble favorable, où on va pas le sortir entre 2 chutes de missiles. Est-ce qu'il est mixé? Oui, enfin... Tu veux, la plupart des chansons qui sont enregistrées maintenant sont quasiment terminées. Ok. De mixage, etc. Mais, oui, je sais pas, on sait jamais, tu vois. Vous avez trouvé l'ordre des chansons? Oui. Est-ce que ça a été compliqué? C'est amusant. Ah oui? Moi, j'aime bien chercher ça. Mais comme vous êtes un duo, comme vous êtes un groupe, est-ce que c'est tout le groupe qui travaille à conceptualiser la liste? Oh, c'est Pierre qui... Ah, c'est Pierre, ouais. Non, c'est moi. Ouais, c'est mais alors, je l'envoie à Iris, hein. Ok. Je lui envoie le SoundCloud privé avec les chansons, et je suis à l'écoute des Et toi, articles. Qu'est-ce que tu fais? Tu réécoutes pour savoir s'il y a une fluidité, s'il y a un... Alors, très honnêtement, Pierre fait ça vraiment bien, donc j'ai jamais rien eu à dire. Tu lui laisses carte blanche. Mais carrément. Ah ouais. Non, mais Iris a une oreille très très fine pour la justesse, par exemple, et il y a des choses qui peuvent m'échapper. C'est pour ça que, de toute façon, c'est toujours bien d'avoir des avis. Je sors mon irisomètre à ce moment-là. Un appareil... C'est lié. Absolument. Ouais. Ouais. Donc, nous n'avons pas les mêmes talents, mais... Sous un aspect d'hirondelle, elle a quand même un côté tigresse. Mm-hmm. Voilà. Ok. Ouais, c'est son ascendant. Ah ouais, mais c'est vrai, l'astrologie, ben oui, on s'en sort pas. Alors, un autre titre. Ouais. Allez. Qui s'appelle À nous. Et qui sera sur le prochain album, justement. Rénal, si je me lève, est-ce que c'est tombé? Il n'y a aucun problème. C'est bon. Oui. Alors, je voudrais bien prendre mon anti-sèche. Qui est par là. Ah, pardon, excuse-moi. Elle est sous le tapis. Exact. Ça me sécurise. Surtout le petit pont de bois. Ah, ouais. Ok. Parfait, ça. Bon, ok. Flash, un petit coucou. Ouais, c'est ça. voyelles et consonnes. Avec une autre chanson avant de dire trop de... L'oiseau rare. L'oiseau rare, oui. Avant, est-ce que ça s'enlève, ça, ici? Non, hein? Oui. Si tu veux, ouais, bien sûr. C'est quoi, c'est en trois blocs? C'est des immeubles. Oh. Non, c'est en deux blocs. En deux blocs, ok. Ah oui, deux blocs, c'est vrai. Tu vois, c'était pour... Juste pour... parfait. Excellent. Merci. Allez-y les enfants, je vous rejoins. À tout de suite. 1, 2, 3, 4 et... S'il passe un moment dans tes mains, t'es déjà plus chanceux que tout un chacun. Il aime l'oiseau rare, ou par décret, ou par hasard. Lui-même n'en est pas bien certain, y'a pas toujours de rime à son drôle de refrain. Je me demande. le coup de regard de Pierre Fort à la fin de la chanson pour dire « Ok, on termine, on ramène. » C'est ça, hein? Ben, c'était un regard interrogatif. Oui, c'est ça. Ah, je pensais, c'est qu'est-ce qu'on fait? Oui, il y a de ça, hein, il y a de ça. Sur scène, on communique, en fait, hein. On se regarde et on se dit « Ok, c'est... » Oui, mais là, parce qu'on le voyait de dos, c'était difficile de le voir. Ben, c'est pour ça. Mais il est très souple. Exactement. Tu as appris à jouer de la guitare à quel moment? Trois semaines avant de passer devant des millions de téléspectateurs en Hollande. Ah, oui, c'est oui. Les petits miroirs, la première chanson qu'on a chantée tout à l'heure. On était invités dans un talk show dont je ne saurais vraiment pas prononcer le nom. De Vereld Draait Door. Oh, bravo Pierre. Ah, ouais, non, mais c'est pratique. Et en fait, c'était le dernier de l'année. C'était le talk show qui avait été primé cette année comme le meilleur talk show de Hollande. Et en fait, moi, je n'étais pas du tout au courant de tout ça. On me dit... En fait, on sortait la chanson « Les petits miroirs » sur une compilation qui s'appelle « Filles fragiles ». Et Gus nous fait venir. Gus... Hogarth. Merci. C'est pour les prononciations difficiles, c'est bien. Je l'appelle, je dis comment on dit ce mot et il m'aide. Et donc, il nous fait venir parce qu'on était moins cher que Jane Birkin, certainement. Et puis, on était très contents de venir. Ça me surprend. Et en fait, je n'avais pas enregistré Les Petits Miroirs sur l'album, mais j'apprenais, je jouais quelques accords. Tu gratouillais. Et je me suis dit, bon, je crois que je vais pouvoir le faire. Et donc, en fait, on me voit sur le plateau, je suis très concentrée quand même, parce que j'ai envie de faire ça bien. Ouais, ouais, ouais. Et donc, je fais mes petits accords que j'ai appris, que j'ai répété dans mon salon. Et après, on me dit qu'en fait, il y a des millions de gens qui étaient devant... Mais tu l'as su après, ça? Mais je l'ai su après. Ah oui, ok, Dieu merci. Je l'ai su après, et j'ai regardé en replay dans ma chambre d'hôtel. Et j'étais super contente. Et je me suis dit, je suis complètement cramée, quoi. Je sais jouer trois accords, et je fais ça à la télé. Ben, j'ai eu peur après. Pas. Non, mais ça paraissait pas que t'étais... Non, non, j'assurais grave, comme une bête. Oui. Mais donc, la guitare, tu l'as commencé... Quand t'as commencé à 20 ans? Non, j'ai commencé un petit peu avant. J'ai commencé vers 17 ans. Mais... Ok. Bon, je suis toujours pas très grand guitariste, mais pour faire ce que je fais, ça va à peu près. Est-ce que tu fais cavalier seul aussi? De mon côté, alors je fais pas vraiment de concerts toute seule. Ok, pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai pas assez de matière. J'ai beaucoup écrit durant notre pause Peppermoonesque. Ah, ok, oui. C'est d'avoir mes enfants m'a pas mal inspirée, surtout de les attendre. Oui. J'avais du temps un petit peu pour moi, alors je les ai beaucoup attendus en musique. Est-ce que tu... Parce que tu écrivais quand tu n'étais pas enceinte, puis tu as écrit lorsque tu l'étais? J'ai écrit plus à partir de ce moment-là, en fait. Ok, avant tu écrivais pas. Après, j'ai pas la grande production. Non, mais c'est sûr, mais j'aurais aimé savoir, est-ce que tu écrivais autrement enceinte que pas enceinte? Ah ben, j'écrivais certainement pas les mêmes choses, oui, ça c'est clair. Non, non, mais tu étais inspirée autrement, c'est certain. Ah ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, ça modifie quand même pas mal de choses chez une femme, d'attendre un enfant. Mais c'est pas juste le corps, c'est l'esprit, c'est... Ouais, c'est tout. C'est la vie, c'est effectivement. Mais en plus, j'étais très... Autant je vois des femmes qui le vivent très mal, moi j'étais très très contente. Ah, c'est bien. J'ai fait des concerts et j'ai sauté comme un zébulon jusque... Mais peut-être que c'est ça qui t'a aidé. Et c'est ça qui t'a aidé? Mais oui, mais tout ça. Sans doute. Tu sais, j'étais... La musique? Absolument. Et puis, toi, Paul, t'es arrivé vraiment à la dernière minute. Oui, on s'est rencontrés vraiment il y a 3 mois. Moi, j'ai finalement enregistré pas mal de choses pour Peppermoon. Oui. Ici. Ok. Dans l'antre de M. Pierre Fa. Vous enregistrez ici? Oui, bien sûr. Ah, ouais, okay. Mais par contre, je ne connaissais quasiment pas Iris. On s'était rencontrés. C'était croisé au concert d'Emma au Déchargeur. Concert, mais bon, on avait dû saluer, c'est tout. Et c'est tout. Et finalement, on s'est vraiment rencontrés. Dans le Thalys. Du projet de concert à Düsseldorf, finalement. Ok. Donc c'était super de pouvoir se rencontrer, d'enfin jouer ensemble. Ouais. Et puis, autrement que par bande interposée. Oui, ok, je comprends. Là, ouais. Tu correspondais, là, tu jouais dans le groupe, mais tu n'étais pas présent. C'était... Non. Ouais. Non. Paul était venu jouer sur cette chanson L'Oiseau Rare, par exemple, sur le troisième album. Peut-être aussi faire avec, je ne me souviens pas. Ben, j'avouerais que moi, je... On se gardera dans le livret. C'est pas que j'oublie, mais c'est... Ouais. Tu sais comment on procède, c'est-à-dire que très souvent, je viens passer quelques heures ici, et puis Pierre me dit, tiens, j'ai un petit truc que j'aimerais que tu fasses. Donc on fait, tout ça est très très naturel, c'est un processus qui est très très fluide entre nous, Et après, bah, j'oublie un peu ce qu'on a fait. Ah, c'est bien et ça. Et puis, Pierre me dit, bah, tiens, tu as joué là-dessus. Ah. Tiens, tu as fait ça. Ça serait bien que tu refasses ce que tu as fait sur cette partie-là. C'est un bel arrangement de guitare. Ah, moi, je me dis, oui, bien sûr, je vais le faire. Tu peux me le faire réécouter. Et donc, c'est assez amusant. Quoi, de... c'est ouais. Un... ouais. Mais j'aime beaucoup... parce que moi, justement, quand j'ai des accords un petit peu complexes, parfois des accords de pianiste, ça fait jamais peur à Paul, quoi. Il n'y a jamais genre, oh oui, non, mais attends, on va simplifier ça, ou non, voilà. On va faire toujours, à la mineure, à la place. Voilà, prendre l'harmonie comme elle est, et c'est, ça, pour moi, c'est luxueux. Parce ah, que oui. Je comprends que des fois, c'est un peu, j'ai des trucs, on cherche à comprendre ce que j'ai fait, quoi. Mm-hmm. Je sais. C'est pas de ma faute. J'essaie de mettre des noms sur ouais, des notes. Oui, c'est pas facile voilà. Non plus, parce que t'as pas vraiment... t'as étudié le solfège, mais pas vraiment, t'as pas étudié non, j'ai pas étudié. Là, tu vois, je me suis fait une anti-sèche qui n'est valable que pour moi, parce ouais, que pour ça, n'importe qui d'autre, ça veut... C'est, ça veut rien c'est, dire. C'est pas... ouais. Enfin, mais... je connais les noms des accords, mais parfois, il y a des choses un peu bizarres. Dans l'oiseau rare, là, qu'on vient de jouer, il y a un endroit où il y a des choses un peu comme ça. Machin, tu sais, il faut quand même réfléchir un petit peu pour dire, bon, comment ça s'appelle? Comment tu t'appelles? mais c'est aussi un peu comme, je te l'avais dit, que Claude Léveillé savait pas jouer de piano, puis il a fait sa carrière, c'était merveilleux. Et, mais en sachant pas jouer, tu peux amener une autre sonorité, hein? Quelqu'un qui sait le solfège, Paul, tu le sais, et cloisonné, tandis que celui qui a l'oreille peut jouer beaucoup plus... ouvertement, quoi. Et puis faire des apports harmoniques qui sont intéressants. Voilà. Qui ne sont pas attendus. Ça, trop. Qui ne sont pas attendus. Ouais, ouais c'est ça. Vous savez, il y a souvent beaucoup de surprises, toi, harmoniquement, dans ce que tu écris. Rythmiquement aussi, parfois. Ouais, ça arrive. Et c'est ça qui fait que c'est intéressant. Mm. Et puis qu'il y a aussi, que c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi pour aller au-delà, enfin, des. Voilà, enfin, de. Une suite d'accords très simple, enfin, ça se prête, je trouve ça se prête beaucoup aussi à l'improvisation, enfin, à créer des contre-champs, ouais. À créer des petites mélodies qui vont venir répondre à la voix, répondre au piano. On va en parler demain, mais toi tu viens du jazz. Oui. On va en parler demain. puis en plus j'ai eu la chance d'avoir ton disque au moment de sa sortie. Le disque bleu avec... Nightscape. Oui, exactement. Nightscape. Et c'est Pierre qui me l'a offert, avec plein d'amis qui l'ont... dont le... Pierre, le disque avec l'homme enceint. Ah, ça c'était Mathieu Johan. Oui, c'est voilà, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Ouais. Oui, alors il ne fait plus de musique, hein, Mathieu. Il était contre la pochette, mais il adorait Ah oui, musique. Oui, non, c'est vrai. Et il le sait, hein, donc il n'y a aucun problème, on peut le dire. Je lui avais dit à l'époque, et je continue à penser que c'était une drôle d'idée. Lafayette, est-ce qu'il est encore là? Mais alors, je ne l'ai pas vu là récemment, depuis les confinements, etc. Mais je suppose que oui. Okay. Et j'espère qu'il va bien. D'ailleurs, ça me donne envie de prendre ses nouvelles. Ouais, parce que je ne le vois plus sur Internet. Et c'est vrai. Mais tu sais, moi, pendant un moment, je n'ai rien posté non plus. Tout ça, des fois, ça ne veut rien dire. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Là, en ce moment, tu vois, je poste. Ça fait presque un an que je n'ai rien mis sur Instagram. Je ne fais aucune publication. Parce que je me sens comme en jachère, j'ai envie d'attendre, tu vois, je fais des photos, je fais des trucs, mais j'attends d'avoir quelque chose à dire. Ok, il n'y a rien à presse. Ben, qu'est-ce qui presserait? C'est ça. Notre anéantissement thermonucléaire. ou la 4e guerre mondiale. La 3e peut-être, oui. Ça serait mieux de passer à 3 avant de sauter à 4. Donc, on y va avec une autre chanson? Mais bien volontiers. Alors, là, c'est une chanson de Paul, d'ailleurs. Oui, absolument. Et qui s'intitule? Balade indécise. Oui, j'ai très mal écrit, et pour non, moi... Non, c'est parce que c'est pas... Mais je referai de la calligraphie pour toi, là, oh, si tu peux. Non, merci. Indécise. Alors, je veux juste vérifier si tout est... Ouais, ok, ouais. Tu veux chanter debout? Et je préfère. Ok, parfait, oui. Quand j'ai le choix, je préfère. Okay. Tu ne peux pas forcer l'amour, le temps. Tu ne peux pas forcer les chats, non. Tu ne peux pas changer. veulent pas, tu ne peux pas changer tout ça, non. C'est sans décision, éphémère, éternel, tout ce qui est bon. C'est comme les saisons, je m'en remets au ciel profond. Puis la fin, guitare seule, c'est super intéressant parce que on sent le jazz de ce côté-là. Toujours, c'est une très très belle chanson. Comme toutes les autres sont. Mais Pepper Boone ne fait pas dans la musique rythmée, c'est plutôt. Ah, on en a deux, trois. Il y en a quelques-unes quand même. Ouais. Deux, trois sur combien? Sur 403. Ouais, c'est ça. J'en ai oublié quelques-unes. Ouais. Non, mais sur le bout de la langue, pulse un petit peu. Il y en a deux, trois quand même. D'ailleurs, à Düsseldorf, les gens ont slamé sur. Sur la boue. Pogotait à Donf. Ça pogotait. Heureusement que les ambulanciers étaient prêts parce que. Absolument. Il y a eu de la baston. Ah oui. Oh. Ah, c'est ce que j'ai vu dans les médias. Ouais. Il y a quelques temps. Ah, ouais. Alors, c'est des échauffourées. Ah, oui. Vous êtes fous. Du réfifi à du soldat. Et puis, donc, l'album, vous le prévoyez pour quand? De 2023, comme je le disais? Oui, vers 11h14. Mais quel jour? Ah, je sais pas. Ah, l'heure est précisée, mais pas la journée. C'est pas mal, ça. Okay. Mais vous n'êtes pas pressé? Non, il faut un contexte, comme avec les concerts, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire essayer de trouver un endroit où peut-être ce travail ne va pas tomber immédiatement dans les oubliettes d'Internet, tu vois. Essayer d'avoir un tant soit peu les 3-4 chroniques, les 3-4 trucs qu'ils font exister un minimum. Voilà. Vous attendez le buzz, comme on dit. Non, il ne faut pas l'attendre, hein, ça se prépare. Et puis, il faut faire des nouvelles photos, il faut faire peut-être une vidéo, il faut avoir... au moins une attachée de presse qui va essayer de passer une chanson à droite à gauche, tu vois. Oui. Là, je me suis... au départ, on avait tout ce contexte-là, et puis ça s'est un petit peu délité au fil des années, comme tout le monde de la musique. Hein. Et là, il faut retrouver un endroit où ce travail n'est pas juste jeté dans la fosse aux lions, et voilà. Ce qui est un petit peu... un petit peu chagrinant, tu vois, parce qu'on y passe du temps quand c'est même. Donc, si c'est pour qu'ils... Tu fais pousser des fleurs, bon, bah, si c'est pour qu'elles soient immédiatement piétinées, bon, il y a mieux. Et donc, les projets pour Pepper Moon, c'est d'attendre le moment opportun? Mes projets continuent. Oui, mais c'est quoi, c'est... Ben, je sais pas, on verra. Il faut que... Là, par exemple, je ne sais absolument pas, je ne sais pas te dire s'il y aura un autre album après, un sixième. Parce que là, sur le cinquième, pour l'instant, j'ai l'impression d'être à court d'idées. C'est-à-dire d'avoir mis dans le cinquième ce que j'avais à dire avec ce groupe. Mais en même temps, je pensais ça après avoir fait le troisième. Ouais, ok. Voilà. Ouais. Donc, à un moment donné, ça peut être un palier. Mais je ne sais pas, en fait, la vérité vraie, au fond, c'est que je ne sais pas. Alors, Pierre, je n'ai pas décidé de refaire des enfants, hein, donc... Non. Non. On ne va pas faire enfant-album. Enfant-album. Ouais, 3-4, allez, pour la route. Oui. C'est si peu de choses. Maintenant que tu es lancé. Non, mais surtout qu'au Québec, plus on a d'enfants, plus on est rémunéré par le gouvernement. Ah, ouais. Alors la famille Dion, c'était comme ça? Pardon? La famille de Céline Dion, elle était rémunérée Non, ça, ça c'est dans... Ultra non, ça, nombreux, ça commence... non? Non, Céline Dion, non. Ça, c'est plutôt dans les années 90. Ah ouais, d'accord. Un enfant, c'était 500, deux enfants, 700, trois enfants, 1 000 $. 1 500. D'accord. C'est fou, hein? Mm-hmm. Oui. C'est généreux ou c'est non. Juste normal par rapport au coût de la vie? Non, mais ça n'a aucun sens de faire des enfants pour l'argent. Bah, il y a les allocations familiales. Oui, nous aussi. Mais si tu comptes là-dessus pour vivre, t'es mal barré. Parce que c'est mais nous, ça a augmenté beaucoup. Si tu fais manger juste des frites surgelées à tes enfants, ça peut être... Ça peut être bien, ouais, c'est ça. Ah, c'est complètement cinglé. Miser sur... Payer un enfant, faire un enfant, puis être rémunéré, voyons. C'est... Ouais, tu sais, c'est des fois, je peux concevoir que c'est... Par exemple, au Japon, la natalité est en baisse, la population vieillit. Il y a plein de raisons à ça, qu'on ne va pas détailler ici, mais bon, on a prévu le rendez-vous de 3 heures demain pour parler de ce sujet. Oui. Mais tu encourages la natalité avec des petites aides gouvernementales. Bah, des fois, peut-être il y a des gens qui se disent, bon, ouais, on a ça qui va nous aider à assurer le matériel. Bon. En même temps, est-ce que c'est encore les enfants mâles qui gagnent? Parce qu'à une certaine époque, il fallait avoir un garçon, une fille, ou c'était quoi donc? Ah bon? Peut-être. Oui, on ne voulait pas avoir trop de filles parce que... Non, il fallait avoir moins. Alors en Chine, c'est... Ah, en Chine, c'est en Chine, c'est oui. En Chine, mais il y avait un seul enfant. C'est ça. J'avais une Chinoise m'avait expliqué que la politique de l'enfant unique avait été... Le seul cas de figure où on pouvait avoir deux enfants, c'est si on avait une fille en premier, qu'on était paysan. Et donc on aimerait avoir un garçon pour aider à la ferme. Ouh. Et donc dans ce cas-là, on avait le droit de faire un deuxième essai. Si c'était encore une fille, ça s'arrêtait là. Deux filles, c'est fini. C'est pour ça qu'il y a plus de filles que de garçons. Oui, à une époque en tout cas. Okay. Ça s'est un peu rééquilibré après, mais ça a été vrai très longtemps. Mais est-ce qu'il y a encore un quota sur les enfants? Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est terminé, oui. Mais attention, c'est grand la Chine, donc tu as aussi des choses qui sont liées à des régions plus qu'à d'autres. C'est un peu comme les États-Unis, chaque État a sa... Ben, alors, bon, c'est très centralisé. C'est plus centralisé à Beijing, hein. C'est-à-dire que tu as toute cette ramification du Parti communiste qui descend partout, là, voilà. Mais effectivement, il y a des zones moins peuplées, des zones de montagne moins peuplées, où la politique de l'enfant unique n'était pas appliquée de la même manière, pas avec la même rigueur. Je pense que les Chinois, les Han du Nord, quand ils ont qu'ils ont envahi le Tibet, quand ils se sont installés là-bas, je pense qu'eux, on les encourageait à faire plein d'enfants, à faire plein de petits Chinois sur place, tu vois. Donc c'est variable. C'est un très grand territoire, donc c'est pas partout c'est pareil. Voilà. On va revenir à Pepper Moon. Quoique c'est le cinquième enfant. C'est notre cinquième enfant avec Alice. Est-ce qu'il y a une continuité dans les albums? Est-ce que c'est... Il y a les trois premiers qui sont vraiment faits dans un même mouvement. Okay. Et après, il y a le 4 et le 5 qui ont été mis à distance par le Covid, mais qui au départ auraient dû être étaient un peu jumeaux. Synchrone, ou presque. 3 ans. Oh non, bah, ok. Mais voilà, donc les trois premiers, et puis ensuite les deux autres. Et puis à côté de ça, on a fait quelques petits hippies, quelques petits, ouais. Tu vois, cinq titres, dont un avec Paul, mm-hmm. avec des reprises. Ça, au départ, c'était prévu pour une compilation à Taïwan, d'un autre label qui sortait encore des CD, qui a dit « Ah oui, mais pourquoi pas, on pourrait faire, il me faudrait des bonus, tout ça, d'accord ?» Donc on avait fait des reprises donc, pour ça. Okay. Et puis après, bon, bah, je les ai un petit peu mixés, puis finalement on en a fait un EP. Voilà, enfin, mais... C'est-à-dire qu'après, pour une suite, pour faire une suite, il faudrait renouveler un petit peu le... à tout point de vue, visuellement, voir comment on peut étendre un petit peu et ne pas tourner. Faire évoluer, c'est ça ? Ouais, ouais. Donc quand on a abordé le quatrième album, par exemple, parce que la matière se présentait, parce qu'il y avait ces mélodies qui arrivaient de Liliane, de Toshiya, d'autres gens, je me suis dit, tiens, ça commence à ressembler à un truc, on dirait un album un peu. Voilà, c'est l'enfance présente, quoi. Ouais. Tu peux pas juste... c'est pas comme un plan d'architecte, et puis on construit là, et puis comme ci, comme ça, machin. Enfin, peut-être des gens le font comme ça, moi je sais pas. Mmh. Et on va placer la chanson pour l'instant. Comment c'est arrivé cette chanson-là? Je ne sais plus du tout. Ok, il y a longtemps, ouais. Ah oui, alors ça est arrivé il y a longtemps. En 2006, on l'a enregistrée pour le premier album. Elle a été créée pendant la fabrication de l'album. Là, j'en sais pas plus. Mais est-ce que vous la faites souvent en spectacle ou c'est... Ouais. Oui, on la fait souvent. Ouais. Est-ce qu'elle est accueillie Ben non, parce que tu viens pas à chaque fois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et moi, je la place souvent sur ma platine et je la diffuse, donc ça, c'est quand même. Ah ouais. Donc, merci. Mais non, mais, ça, mais je trouve que c'est tellement. Je l'appelle ma chanson du dimanche. Mm-hmm. C'est une chanson du dimanche, que tu peux écouter aussi la semaine, il n'y a pas de problème. Mais je trouve qu'elle dit tout, on n'a pas rien à rajouter. Bon, alors on va la jouer. Hein, ouais, ben oui, je vais juste partir mon truc pour que ça soit juste la chanson. Thank you. c'est pas grave. Bon, on y retourne. Ouais, on y retourne depuis le début. Ah oui, ok. Tu veux? Ah ouais, oui, bah oui. Et toujours. Et t'es un vrai semblable. Mais oui, mais... la montée, j'ai eu l'impression que tu montrais pas. On n'a pas pris l'ascenseur en même temps, oui, Pierre. J'ai décalage. Ok. C'est le stress de la dernière chanson. Mais voyons. Ok, on la recommence. Oh, bah oui, bah oui. C'est parti. Parfait, merci. Tu feras un petit cut. Oui, jamais. Alors, jamais de cut. Hein. Alors, on a le droit de la refaire. Ça va être très ennuyeux pour les gens, en fait, oui, c'est surtout ça. Yeah.